Luc 14, versets 25 à 33, je lis à partir du verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Dans ce passage de Luc 14, 25 à 33, Jésus dit aux foules ce que ça implique d'être son disciple et il enseigne le principe fondamental de calculer les coûts avant tout engagement. Ce faisant, il utilise deux images qui peuvent résumer chacune de nos vies, un constructeur et un combattant. Ce message va vous préparer à l'action en vue de mettre de l'ordre dans vos affaires et travailler en écoutant Dieu et en comptant sur lui. Vous écoutez calculer, contrôler, choisir, trois exigences de la marche avec Dieu. Ceci est un enseignement de préparation au séminaire Oikonomia, intendance des ressources de Dieu. Le séminaire Oikonomia, intendance des ressources de Dieu, a pour but d'inspirer et d'équiper les saints afin qu'ils soient des gestionnaires fidèles des ressources de Dieu et que leur témoignage et héritage spirituel et matériel glorifient Dieu. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Je suis Marie-Laure Braga et revoici Paul-Julien Braga pour la suite du message. Bonne écoute! Vivre, c'est construire et combattre. Chacun de nous est en effet comme les bâtisseurs du temps de Néhémie. Il est écrit en Néhémie 4, les versets 17 à 18. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi qu'ils bâtissaient. Nous bâtissons nos vies, nos carrières, une famille, etc. Et nous combattons tout ce qui est susceptible de s'opposer à notre progression. Bien sûr, avec d'autres types d'armes, selon qu'il est écrit en 2 Corinthiens 10, le verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Nous nous appuyons de la sorte sur Dieu, car comme dit le psaume 127, verset 2, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Le constructeur et le roi combattant de Luc 14, versets 25 à 33, nous révèlent trois exigences de la marche avec Dieu. Calculer la dépense, contrôler le disponible et choisir la direction. Commençons par examiner calculer la dépense. Calculer est dans l'esprit de nombreux chrétiens synonyme de manquer de foi. Alors quand c'est Jésus lui-même qui nous parle de s'asseoir d'abord pour calculer la dépense, il y a de quoi s'asseoir pour y réfléchir, n'est-ce pas? Tout a un coût, tout engagement a un coût. La question n'est donc pas « est-ce que ça va coûter ?» mais « qu'est-ce que ça va coûter ?» Et on ne doit pas répondre à cette question sans réfléchir. Jésus rappelle à ceux qui l'écoutent que chacun d'eux, avant de s'engager à construire ou à combattre, commencerait par s'asseoir pour calculer la dépense. Prendre le temps de s'asseoir montre que le projet est sérieux et qu'on veut le réaliser avec soin et sans précipitation. Il est en effet écrit « Les plans de l'homme actif vont droit vers l'abondance, celui qui agit avec précipitation va droit vers la privation ». Proverbe 21, verset 5, version Nouvelle Bible Second. Ce verset met en évidence le lien entre la planification et la prospérité d'une part, et le lien entre la précipitation et la pauvreté d'autre part. Calculer la dépense consiste à comprendre toutes les implications d'un projet. C'est l'étape qui permet d'évaluer tout ce que le projet exige en termes de ressources. Cette étape répond à la question « Qu'est-ce qu'il faut pour réussir à réaliser ce projet ?» Toute personne qui a le projet de devenir disciple de Jésus-Christ doit avoir la ressource d'Abraham, c'est-à-dire la foi, et être prête à perdre toutes les autres ressources, même sa vie. Sur la parole de Dieu, Abraham a renoncé à sa patrie où Dieu lui-même l'a fait naître et à sa postérité que Dieu lui-même lui avait donnée. Ainsi, à l'appel de Christ, tout disciple doit renoncer à soi et à ses possessions pour se charger de sa croix et le suivre. À la lumière de l'appel et de l'épreuve d'Abraham, on peut comprendre pourquoi Paul dit en 1 Corinthiens 1, le verset 18, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. En effet, renoncer à soi, c'est essentiellement faire comme Abraham, c'est-à-dire être préparé à faire suffisamment confiance à Dieu pour obéir à ses ordres sur la gestion de tout ce qu'il nous a donné, même quand ça n'a pas de sens pour notre logique humaine. C'est pourquoi aussi, dans tous nos projets personnels, professionnels, familiaux, etc., nous devons calculer la dépense à la lumière de la parole de Dieu. Les implications de ces projets peuvent apparemment s'évaluer en temps, en tonus, en talent ou en finance seulement. Mais la foi nous rappelle que toutes choses appartiennent à Dieu, que nous sommes sa propriété et ses intendants, et qu'il sait tout et peut nous secourir. Prenons donc l'habitude de nous asseoir et commencer par répondre à la question « Que faut-il pour réussir à faire ?» ou « Que faut-il pour réussir à devenir ?» Complétez la phrase. Cette question se pose à soi-même, au Seigneur, aux saints et aux spécialistes des domaines des projets concernés. Alors, question pour vous, quelle est votre expérience de calculer la dépense? Voyons maintenant contrôler le disponible. Jésus dit que la seconde chose que fait le constructeur est de vérifier s'il a de quoi achever son projet. Cette étape consiste à contrôler la mesure et la qualité des ressources disponibles par rapport aux besoins identifiés à l'étape du calcul. L'étape répond à la question « Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour réussir à réaliser ce projet ?» La conséquence directe de ne pas se poser cette deuxième question « Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour réussir à réaliser ce projet ?» et la première qui était « Qu'est-ce qu'il faut pour réussir à réaliser ce projet ?» La conséquence directe de ne pas se poser ces questions donc est, selon Jésus, le risque d'une maison inachevée, couverte des moqueries de tous ceux qui la verront. Cependant, il ne faut pas commettre l'erreur de renoncer à la construction ou au combat simplement parce qu'on n'a pas les ressources humaines, matérielles et financières. En fait, la raison pour laquelle calculer rime avec manquer de foi pour certains d'entre nous chrétiens, c'est que nous ne réalisons pas que la ressource appelée foi doit faire partie du calcul. Quand les autres ressources viennent à manquer, la bonne attitude est de faire appel à Dieu et d'être attentif à sa voix, exactement comme a fait le roi Josaphat en 2 Chroniques le chapitre 20. On vient lui dire qu'une imposante coalition vient lui faire la guerre. Il prend peur, mais, il est écrit, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. » Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Plus loin, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, plus loin, et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Plus loin, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, Ils nomment des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Plus loin, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Disposez-vous comme Josaphat à chercher l'Éternel quand vos ressources paraissent insignifiantes, car Dieu est même capable de réduire encore plus des ressources déjà insignifiantes pour se glorifier davantage. Prenez Gédéon. Gédéon avait une armée de 32 000 hommes pour combattre une coalition de 135 000 hommes. Juges chapitre 7 et 8. Dieu a d'abord réduit cette armée à 10 000 hommes par le tri de la peur, puis, la trouvant encore trop nombreuse pour risquer de se glorifier de la victoire, il en a trié seulement 300 par le tri de la posture pour boire. Juges 7, versets 6 à 7, il est écrit « Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Tout le reste de la troupe se mit à genoux pour boire de l'eau. Le Seigneur dit à Gédéon « C'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai. » C'est par eux que je te livrerai Madian. Que tout le reste de la troupe s'en aille, chacun chez soi. Remarquez que Dieu calcule et que son calcul et son contrôle du disponible vont à l'encontre de toute logique militaire humaine. Souvenez-vous qu'avec Dieu, sans les ressources financières et matérielles, beaucoup de choses restent possibles. Vous auriez tort de dire « je n'ai rien » quand vous n'avez pas d'argent, car l'argent n'est pas tout. Jésus-Christ est tout. Pierre, face au paralytique du temple, a calculé, vérifié, et acte 3, versets 6 à 7 nous dit « Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !» Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Question pour vous. Que faites-vous habituellement quand vous n'avez pas les ressources financières et matérielles face à des besoins ou pour des projets? Terminons avec choisir la direction. Après avoir répondu aux 2 premières questions, vous devez choisir une direction en répondant à une 3e question. Récapitulons donc. Première question, qu'est-ce qu'il faut pour réussir à réaliser ce projet? 2e question, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour réussir à réaliser ce projet? Et 3e question, pour choisir la direction, qu'est-ce que je fais maintenant? Cette 3e étape vous permet d'explorer les possibilités d'action et de choisir votre direction. À cette étape, comme aux 2 premières étapes, vous pouvez consulter le Seigneur, les saints et des spécialistes des besoins ou des domaines de projet concernés. Proverbe 3, les versets 5 à 8. De tout cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas trop sage, crains le Seigneur, écarte-toi du mal, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Version Nouvelle Bible Seconde. Proverbe 15, verset 22 déclare « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Et Proverbe 24, verset 6 « Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Après délibération, vous pourrez choisir l'une de ces directions. Premièrement, renoncer au projet et éviter ainsi les railleries. Deuxièmement, renforcez vos capacités, vos ressources pour réaliser le projet prévu, comme le roi Josaphat à travers la prière, le jeûne et un coup de pouce surnaturel. Troisièmement, réorienter l'action, comme le roi de Luc 14 à qui il manquait 50% de ressources pour faire la guerre, mais qui en avait suffisamment pour faire la paix. Quatrièmement, Réalisez le projet s'il est en vos possibilités après l'évaluation naturelle et surnaturelle. Il ne faut pas continuer à réfléchir ou planifier indéfiniment dans ce cas. Ce serait de la paresse ou de l'incrédulité. À moins que Dieu ne vous ait clairement arrêté pour changer des détails, comme il l'a fait quand David a décidé de lui bâtir un temple. 1 Chronique 17, versets 1 à 4 et les versets 11 à 12, il est écrit « Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. » Plus loin, « Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. » Si Nathan avait pu dire à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi », c'est parce que Dieu produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir dans le cœur de ceux qui le craignent, conformément à Philippiens 2, le verset 13. Et dans le cas de David, le projet de construction a été approuvé. C'est le constructeur que Dieu a changé. Alors, question pour vous. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre façon d'aborder vos engagements et vos projets? Bien-aimés, en résumé, retenons donc que, premièrement, nous vivons comme des constructeurs combattants pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, en tant que constructeurs combattants, nous devons calculer la dépense, c'est-à-dire évaluer les implications de tous nos engagements et projets, puis vérifier que nous avons de quoi achever ce que nous commençons. Troisièmement, cet exercice commence avec la décision d'être disciple de Jésus-Christ et s'applique à tous nos projets de construction et nos combats dans la vie. Et enfin, quatrièmement, l'évaluation, c'est-à-dire calculer la dépense et contrôler le disponible, peut aboutir à l'un des choix suivants. Choix 1, abandonner. Choix 2, accroître les moyens, y compris par la foi et la prière. Choix 3, adopter une alternative avec les moyens présentement disponibles. Et choix 4, avancer jusqu'à achever la course en restant attentif, attentive à la voix de Dieu. Question pour vous. Qu'allez-vous faire à présent de toutes les ressources que Dieu vous a confiées? Vous venez d'écouter « Calculer, contrôler, choisir » trois exigences de la marche avec Dieu. Ceci est un enseignement de préparation au séminaire Oikonomia, Intendance des ressources de Dieu. Le séminaire Oikonomia, Intendance des ressources de Dieu, a pour but d'inspirer et d'équiper les saints afin qu'ils soient des gestionnaires fidèles des ressources de Dieu et que leur témoignage et héritage spirituel et matériel glorifient Dieu. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Marchons à la lumière de Jésus-Christ, il revient bientôt.